secours. Pourra-t-elle revenir à temps? Lady Trentonry sera-t-elle à sauver Ville Inquiétude? Afin d'en savoir plus long sur le cours, transportons-nous maintenant à bord du porte-avions Yorktown, où les petits spectateurs de la salle paroissiale Saint-Stanislas, devenus maintenant de brillants Marines américains, attendent avec impatience le retour de Lady Trenton, le sauvetage de Ville Inquiétude et du cosmonaute d'Apollo. La Voie lactée et les vierges. La Voie lactée et testée. Lady Trenton est épuisée en dessous de mille retrouvées. Le cosmonaute s'est réveillé en plein milieu de la voie ferrée. Comme ça, en pleine réalité, son père a renvoyé se coucher. Je savais qu'il n'y avait pas d'écho au début. Je savais! J'avais une petite... avec la musique, là, ma voix était pas assez agréable. Avec l'écho, ça devient tellement plus... Supportable. Le montage de la première chanson de Robert Charlebois, qui s'appelle Le mur du son. C'était René Claude avec un montage de... attendez, petit Benjo qui s'énerve. Parce que le studio est à la maison. Alors, comme Léo Ferré faisait ses chansons à travers son univers du quotidien, il y avait Pépé. J'en parle souvent de Pépé, hein? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je le suis de moins en moins, Pépé. C'est une blague. Mais le singe à Léo, pas Renal ni Serge Gainsbourg, c'est, c'est Pépé, c'est son singe. Puis même dans une chanson, je radote. On disait que... il disait, Ferré, qu'il n'avait pas... Il avait les Serges de Gainsbourg.

Sammy The K est un bassiste du groupe Wave The Wave Changers et de la, toujours de la basse dans le groupe Les Guillotines. Et il est aussi illustrateur. Comment ça, vous ne croyez pas, Mme Thibodeau? Il vous faut des preuves, hein? Vous êtes comme ça dans la vie. Je m'arrête ici et je vous passe la preuve à conviction. Avec beaucoup de conviction, là. C'est parti. Ouais. Ok, c'est ça, c'est toi, j'ai ça. Oh. Alors, comment ça va? Ça va, c'est un dimanche, donc on est un peu fatigué. Mais... Ok, pourquoi? Parce qu'il se passe plein de choses la fin de semaine? C'est le week-end, donc on en profite, on sort. Ok, je croyais qu'il y avait plus de travail la fin de semaine, il y avait des contrats qui pouvaient. Là, en ce moment, non. En ce moment, on est très. Disons que c'est le premier week-end depuis un mois où je suis pas sur la route avec le groupe, donc. On profite un peu pour déconner, quoi. On va en parler, du coup. Ouais. Mais quand t'es musicien, t'es pas en mode de déconnage assez souvent, non? En tournée ou... C'est juste qu'après, on est... faut se lever le matin pour remonter dans le van, quoi. C'est bon, dormir dans la voiture, c'est bien, mais c'est pas aussi bien que dans son lit, quoi. C'est vrai. Tout d'abord, t'es un bassiste. Ouais. Et comment tu t'es donné à faire, premièrement, est-ce que tu viens de Paris ou c'était... Oui, moi j'ai toujours été à Paris, aux banlieues, aux alentours, moi il n'y a pas de... Enfin, j'ai jamais... Ah, tu te sens à l'aise dans cette... Oui, j'ai jamais trop bougé. Ok, pourquoi? Bon, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Mais en même temps, c'est là aussi que les contrats peuvent se faire, c'est pas en région. Il y a beaucoup de chanteurs et de musiciens qui viennent ici parce que travailler là. Oui, après, bon, c'est vrai que je suis plus... Après, moi, c'est plus par rapport, en général, c'est plus par rapport à l'illustration, tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a des groupes un peu partout en France et il y a d'autres villes, d'autres grandes villes en province où il y a des bonnes scènes. Après, nous, on est là, on y est. Moi, j'ai la famille dans le coin, les amis. Bon, bah, on va pas courir partout. Enfin, qu'est-ce que tu voulais faire au départ? Moi, en fait, au départ du début du partant de zéro. pas grand chose, tu voulais pas faire grand chose. Ah non, oui, j'ai toujours été un peu feignant. Non, mais moi après, j'ai toujours été surtout en priorité dans le dessin, vraiment, dans l'illustration. Et après, vraiment, quand je me suis orienté vers la musique, c'est vrai qu'après, la bande dessinée, ça m'a toujours tenté. Après, je suis un peu feignant. Donc, mais tu ne jouais pas d'un instrument, enfin, tu as commencé plus tard. Là. Ah, la musique, ouais, en fait, c'est quand j'ai. La musique, c'est quand j'ai découvert un ami à... En fait, j'ai rencontré un ami à moi qui bossait juste à côté. On a commencé à devenir potes. Il a commencé vraiment à mettre les bons disques dans les mains. Il a commencé à me filer, voilà, ça c'est les Ramones, ça c'est les Compile Nuggets. Yeah. Ça c'est, voilà, et puis tu rentres dedans. Et puis, et pour ce qui est de jouer un instrument, c'est bon, quand tu t'intéresses à ce genre de musique, tu finis toujours par gratouiller un peu. Et j'ai... Et j'ai jamais été bon guitariste. Et en fait, ce type, à un moment, voulait monter un groupe de punk, il me fait chercher un bassiste, est-ce que tu veux ? J'ai jamais touché une basse de ma vie, il me fait ça encore mieux, hein. Donc on a commencé, ça n'a pas donné grand-chose, mais j'ai vu que c'était l'instrument pour moi. Après, j'ai rejoint plusieurs formations, j'ai eu plusieurs groupes depuis, parce que ça fait quoi ? Ça fait à peu près 10 ans que je joue, et du coup, c'est avec des groupes qui retournent plus ou moins, et du coup, il y a eu les Guillotines pendant très longtemps, en ce moment, c'est un peu en stand-by, mais du coup... Ok, parce que les anciens groupes... Hein? Les anciens groupes reviennent quelquefois, tu les abandonnes pas, c'est pas des groupes qui sont finis qui... Non, par exemple les Guillotines, ça fait à peu près 10 ans que ça existe, c'est juste qu'en fait ça fait 2 ans qu'on travaille sur l'album, on a tous des emplois du temps un peu chargés à droite à gauche, hein? Donc c'est voilà, et c'est vrai que j'ai rejoint les Wave Chargers qui sont plus actifs. Est-ce que c'est des gens qui te voient, qui te disent ben viens jouer avec nous? Pour les Wave Chargers, ça c'est, si je me souviens bien, ça s'est passé un peu comme ça. C'est-à-dire que j'avais croisé le gourou du groupe, donc Francis, une fois ou deux, et je sais plus comment ni pourquoi. À l'occasion d'un concert, on parlait, il disait ah, je monte un groupe de surf, je cherche des gens et tout. Moi je joue de la basse si tu veux, ça peut être rigolo un groupe de surf. De surf music, et du coup un jour il a commencé à vraiment mettre le projet en route, il m'a appelé, j'ai fait bah vas-y viens et tout, et c'est vrai que je suis le dernier arrivé dans le groupe, mais on a vraiment une formation d'origine, c'est-à-dire premier concert et tout, c'était nous quatre vraiment comme ça, et on a commencé à tourner, à faire des dates, et c'est vrai qu'on est toujours assez bien reçu niveau public, et du coup on a de plus en plus de concerts qui sont à Paris, et puis on bouge pas mal en province, et ça c'est assez cool. J'ai toujours été mauvais en géographie, donc du coup je commence à prendre la carte à force d'aller dans d'autres endroits, quoi. C'est là que tu connais un peu là, l'emplacement et... Ouais, exactement, je regarde, je fais c'est où, ah d'accord. Faut jamais me donner le poste de copilote dans le van, c'est... Mais sinon, est-ce c'est désastreux. Que les groupes dans lesquels tu te joins ont le même style, ou si ce que tu cherches c'est autre chose, c'est... Bah moi je suis un gars qui sait à peu près ce qu'il aime, donc c'est vrai que je suis... C'est, disons que c'est pas toujours exactement le même style, parce qu'on joue... Chez nous, il faut que ça brasse. Oui, voilà, puis on joue pas... On est... En fait, toutes les personnes ont souvent pas exactement les mêmes influences, mais du moins certaines communes, donc c'est-à-dire que je vais être avec des gens parfois qui sont... où on se rejoint plus sur le punk rock, ou d'autres plus sur le garage 60s, là en l'occurrence c'est plus la surf, mais on est aussi très axés tous sur le même milieu musical dans le garage, c'est-à-dire que moi je joue dans les Guillotines aussi, qui sont à côté un groupe de garage psychédélique, et Claude et Francis, le batteur et le guitariste, sont dans un groupe 60s yéyé en français qui s'appelle les Kitchenettes, donc du coup on est à peu près tous dans ce milieu musical, quoi. On est très influencé 60s, vraiment dans la continuité du rock'n'roll, quoi. Donc on a plus ces influences là, quoi. Mais est-ce que vous composez, ou si vous prenez des standards souvent, vous... Alors c'est un peu, moi je pense que c'est le schéma de tous les groupes, c'est-à-dire souvent de commencer à faire des reprises histoire de voir si on arrive à jouer ensemble, et au fur et à mesure, vraiment une fois qu'on est posé, on commençait à composer. Nous c'est ce qu'on a, c'est-à-dire qu'au début on avait un set de reprises. Et pourquoi des moments aussi? Alors pour les Wave Chargers, non, on est vraiment resté sur de la surf, okay. Donc c'est plus Dick Dale, les Pyramids, les Surfaris, les Ventures, et après au fur et à mesure, on a commencé à vraiment faire, on fait au fur et à mesure nos compos, et puis bon, bah après le truc c'est qu'on n'aime pas faire des concerts de 2 heures, parce que 2 heures de... Enfin, un bon... Non, c'est pas ça, c'est okay. Que à la place du public, moi je me mets devant un concert, si ça dure plus d'une heure, au bout d'un moment, c'est on chiant saute, quoi. Ouais, c'est chiant, donc du coup tu vires des reprises, tu m'en avances tes compos, et puis au fur et à mesure, voilà, t'as un set avec beaucoup de compos dedans. Crois-tu que le film Fiction Pulpeuse a relancé le surf music, la surf music? Alors... Parce qu'à un moment donné, c'était tranquille. Adventure, on l'écoutait, oui, mais quand Tarantino l'a mis sur son album, tu dis, ah ouais, là tu fais des recherches, t'achètes des albums. Je pense absolument qu'il y a eu un regain, absolument, parce que après... 94, j'étais petit, j'ai pas trop été là pour comparer. Ah, j'ai 94, j'avais. Je devais avoir 6-8 ans, même. Okay. J'avais avoir 6 ans. Ah, t'as pas vu le film à l'époque. Bah, à l'époque, non, mais après, historiquement, ouais. Je vois que. Enfin, musicalement, quand on regarde. Après, il y avait des groupes qui étaient influencés surf avant, hein, si on regarde. Moi j'ai toujours trouvé que. Les Ramones en soi étaient un groupe de surf qui jouait à balle. Ouais. Quand on écoute les Dead Kennedys, au niveau du son de guitare et du jeu, c'est typiquement surf. Il y avait même Johnny Thunders avait repris je sais plus quel morceau sur son album So Alone. Je crois que c'était Pipeline, il avait repris Pipeline, des trucs comme ça. Donc c'était encore là, mais c'est vrai que le son particulièrement était revenu. Mais les années 90, c'est une période où vraiment moi je regarde ça avec mes yeux de genre alors c'était avant, qu'est-ce qui se passait à cette époque. Et je trouve que vraiment c'est une période où l'underground était très très underground au niveau des groupes, parce que des groupes comme dans les années 90, il y a un groupe que je retiens principalement, c'est Brownstone Massacre par exemple. Et c'est vrai que c'est vraiment une scène très très très cachée à l'époque. Moi, c'est underground, on appelle ça underground. Ouais, oui, totalement. Exactement. Et du coup, on a... Je pense que oui, Pulp Fiction a énormément contribué, parce que la preuve c'est qu'aujourd'hui, la surf music c'est pas non plus un truc complètement ancré dans la tête des gens, du moins en France. En 2016, et du coup, en fait, quand les gens qui nous connaissent pas, ils font fête de la surf, mais c'est quoi? Je connais pas. Je fais, bah, tu vois l'intro dans Pulp Fiction? Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça! Exactement. Donc, enfin, ça a quand même recréé absolument. L'engouement de. Oui, absolument, quoi. C'est. Et après, et c'est un style que je trouve vraiment chouette dans la mesure où. C'est un style qui a un son très épuré parce que c'est un son de guitare clair, mais la reverb est tellement puissante, il y a tellement de puissance dans le poignet du jeu que. Enfin, moi, je trouve que quand on écoute les morceaux de Dick Dale aujourd'hui, et moi, je me remets dans le contexte de l'époque, je me dis, la vache, les gens ont dû prendre une claque monstrueuse, quoi, parce que c'est... c'est bien inventé, hein, quand vous faites ça. Vous dites, ouais, ça s'est fait il y a plusieurs années. Mais... Oui, bah, on n'est pas dans la... Nous, on n'est pas vraiment dans l'optique de vraiment créer, inventer quelque chose. De toute façon, moi, je pars du principe que de toute façon, on ne crée jamais vraiment rien, quoi. Depuis le blues des années 30, bon, voilà. Mais, et encore, il y aura des types des années 30 pour vous dire, oh non, ils n'avaient rien inventé. Mais, je pense qu'après, on est surtout dans l'optique d'avoir du fun, quoi. Bon, après, quand je fais du dessin, quand je fais de la musique ou autre chose, moi, à la base, avant de faire tout ça, moi, ce que j'aime faire, c'est de l'entertainment. C'est-à-dire être avec... Il y a des gens en face, on est là pour passer un bon moment, pour qu'ils se marrent. Ouais, voilà. Moi, je suis sur scène, j'ai envie de me marrer, j'ai envie que les gens se marrent. Et si les deux marchent dans le truc, on se donne l'un à l'autre. Et vraiment... Quand t'es groupe, vu que tu... Tu fais du graphisme, tu fais des dessins. Ouais. Est-ce que tu fais des pochettes? Alors ouais, j'avais fait pas mal d'affiches pour les guillotines à l'époque. Pour les wave chargers, je suis vraiment ancré à 100% dans la campagne graphique. C'est-à-dire la pochette du premier 45 tours, je l'ai faite, j'ai fait les affiches de concert. Là, on va peut-être commencer à développer tout ce qui est graphisme pour le web, parce qu'on est des jeunes, ouais. gens modernes. Bah, ça fait longtemps, hein. Mais voilà, et puis, donc ouais. Pour le dessin, vraiment? Bah, pour le dessin et la musique. Bah, le dessin, c'est vraiment, c'est depuis que je suis tout petit, quoi. Vraiment, je suis né, j'avais rien de mieux à faire, alors je me faisais de mieux avec des crayons. Tu t'es rendu compte que oui, je peux en vivre, je peux. En vivre, c'est un bien grand mot, mais mais c'est surtout par élimination, dans la mesure où tu te rends compte que tu sais pas faire grand chose d'autre, quoi. Okay. Et t'essayes, hein, tu t'essayes de faire des boulots conventionnels et tout, et tu te dis... Ok, t'as pas d'autres boulots... C'est pas pour moi. Bah là, actuellement, j'ai eu pendant longtemps, et j'ai dû arrêter. Et là, actuellement, c'est des petits boulots de survie, tu sais, t'es vendeur dans des boutiques, okay. Des trucs comme ça. Et... Là, tu as voulu arrêter ça pour te consacrer entièrement. Bah là, en fait, j'ai... Alors en ce moment, c'est un petit peu en pause au niveau du dessin, parce que je suis très pris, parce que j'ai repris les études récemment. Je me suis dit, allez, je vais essayer de repaufiner un peu le truc, histoire de me mettre à jour. Ouais. Histoire de refaire... De me remettre à niveau, quoi. Mais pourquoi? Oui, non, et puis moi, j'ai toujours été un peu archaïque, c'est-à-dire je travaille beaucoup sur le dessin à la main, tout ça, et je voulais me mettre à jour vraiment sur tout ce qui est moderne, faire du web, ce genre de choses, histoire d'être présent un peu... Hein? Tu es en dehors. Tu vas à l'école au niveau artistique et non pas... À l'université ou... Les écoles d'art, j'ai fait pendant longtemps. Là, je revois vraiment... Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est plus du technique pour faire du web. Okay. Pour faire du web, parce que justement, tout ce qui est partie artistique, dessin, j'ai vu ça pendant des années, je pense que j'ai fait mon trou. Ça sera les projets même de fin d'année d'études. Tu peux en faire pour d'autres personnes. Ouais, non, mais voilà, oui. Ça peut être payant. Ouais, absolument, oui. C'est l'optique, c'est de pouvoir gagner ma vie en faisant quelque chose d'intéressant, quoi. Et à côté de ça, faire de la musique, faire... Oui, voilà. Bah, essayer de concilier les deux. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que ce qui m'a le plus botté dans le dessin, c'était de travailler des pochettes de disques pour des groupes, des t-shirts, des affiches. Et ce qui est génial, c'est qu'avec la magie de l'Internet, aujourd'hui, on n'est pas cloisonné aux frontières, quoi. J'ai fait des affiches pour des petits festivals au Japon, pour des groupes comme le groupe japonais The Roots, ce groupe de garage excellent. J'avais travaillé avec... des fois, ça m'arrive... Mais qu'est-ce que ça te fait d'avoir des contrats aussi loin, c'est flatteur. C'est. Il y a des personnes qui font du graphisme. Ouais. Bah après, c'est une question de style, c'est-à-dire que c'est centré, comme j'ai un style graphique qui est très axé sur le garage, le rock'n'roll, le truc là. Ils savent que là, voilà, c'est. Ça m'arrive d'avoir des groupes aux États-Unis, des groupes comme ça avec qui je fais. Le premier groupe avec qui j'avais vraiment travaillé, c'est un groupe français de garage qui s'appelle The Norvins, qui a fait 3 albums. D'ailleurs, c'est le premier groupe pour qui j'ai fait une pochette d'album il y a. L'album est sorti en 2009, je crois, à l'époque. Très très bon groupe, et d'ailleurs, c'est dont le guitariste est le type qui m'a initié à la musique, vraiment, quoi. Donc, tout se rejoint, quoi. Ah, oui, c'est ça, mais c'est des amis aussi, il y a plusieurs amis. Disons qu'en fait, c'est... c'est-à-dire que c'est des milieux musicaux qui sont assez. Qui sont pas énormes, donc c'est-à-dire qu'au final, tout le monde connaît un peu tout le monde, quoi. Ah ouais, c'est ça, donc c'est du coup on est c'est une petite faune underground. Voilà, ouais. Les gens qui achètent les mêmes disques dans les mêmes boutiques, quoi. C'est sur Born Bad et tout ça. Donc. Est-ce que tu collabores aussi à la création ou si tu fais uniquement la partition basse Alors, j'ai jamais été très très doué pour l'écriture. Okay. Alors, j'avais un. Quoi faire. Oui et non, c'est-à-dire qu'on a, avec les web chargers ou quoi, on a, c'est-à-dire que j'ai mon instrument, les morceaux vont être travaillés, écrits au préalable. Bon, je prends l'exemple web chargers parce que si je parle de tous les groupes, on n'a pas fini, mais en gros, c'est surtout Francis et Anne, les deux guitaristes, qui vont avoir vraiment des ébauches d'idées. Et après, Claude et moi, la batterie, on va se poser derrière, on conçoit tout ensemble quand même. C'est pas genre toi, tu fais comme ça et parce qu'on sait que sinon c'est la mort du fun ou quoi. Tu mets ton grain de sel. Ouais, voilà, histoire que ça soit vraiment que la semence du pot. Exactement, que chaque que le potentiel et la capacité de chaque personne soit exploité pour créer quelque chose de commun quoi. Et qui fait que voilà, c'est le son de notre groupe quoi. Et dans chaque groupe, c'est comme ça. Plus ou moins. Moi, j'ai jamais eu de groupe là où, comme le BGM où c'est Anton Newcombe qui dit c'est mon morceau, faites comme je vous dis quoi. Et je pense que c'est un truc que je supporterai pas parce que sinon c'est du travail d'exécution et l'interprétation, c'est obligé de faire. Ouais, voilà, dans ce cas ça serait pas intéressant quoi. S'il y a pas c'est voilà, mais je suis pas doué pour écrire des morceaux, mais j'aime bien interpréter, j'aime bien jouer, dire alors si on fait ça comme ça, on donne des idées, dire ah il manque un break là, on se donne tous des idées et on crée quelque chose et c'est ça, c'est intéressant quoi. Est-ce que tu fais peur à tes parents avec cette vision là d'aller en musée, mon enfant va pas vivre tout ça? Bah c'est à dire que en fait les parents ils vous prennent au sérieux qu'à partir du moment où ils voient que ça marche, c'est à dire que quand vous avez 16-17 ans, vous dites vous voulez faire de la musique ou des métiers artistiques, c'est tu nous fais ta lubie d'ado, tu finis ton bac d'abord là. Ouais voilà, mais même ils disent bon d'un moment tu te trouveras un vrai job et c'est ça. Et mais au final quand vous arrivez au bout d'un certain âge et dire bah écoutez non bah on part sur la route pendant plusieurs semaines, on voit du pays, on joue, les gens ils nous font des bars, on ramène le bon bah on ramène le cachet, voilà c'est. Et quand vous sortez un disque et que vous avez vraiment un projet concis, bon bah là ils se disent un peu, surtout que mes parents c'est assez différent parce que c'est vraiment des gens issus du milieu d'un milieu assez carré. Donc, enfin, pas très très artistique, disons. Donc, c'est vrai que il y a le fil passe pas toujours. Un artiste, c'est quelqu'un, un bohème. Puis, ouais, voilà. Mais bon, ils ont quand même été assez tolérants. Ils m'ont pas forcé à prendre une voix. Ils m'ont dit, ok, si tu fais ça, mais bosse et démerde-toi pour y arriver, quoi. Et du coup, on s'en est voilà. Quoi, est-ce que c'est ton premier public au départ, tes parents, ou tu sais pour tes dessins, ils montraient ça à ta famille ou... Ah bon, comme pour tous les gamins quand on commence tôt hein, c'est vous savez c'est un peu ça quoi. Mais après c'est vrai que non, pour la musique non, c'est pas ils demandent de nouvelles quoi, mais ils vont pas ça, ils viennent pas au concert, ils s'intéressent pas, ils disent oh, bah, bon tant que tu t'amuses voilà, c'est vrai qu'ils sont d'un milieu, ils sont les parents sont pas du tout dans le rock'n'roll, donc du coup c'est culturellement parlant. Es-tu attiré par d'autres instruments ou si c'est la basse qui te qu'est-ce que j'avais voulu essayer d'autre à un moment? La guitare, tu m'as dit tout à l'heure. Bah la guitare, j'ai essayé, c'est rigolo quand comme hier on était en apéro avec les copains, on jouait, c'était n'importe quoi. Mais tu joues vraiment la guitare? Non, c'est en fait, j'ai jamais été comme pour le dessin, comme pour la musique, j'ai jamais aimé prendre le temps de dire alors la gamme de comme ça, ça se joue dans ça. Ça t'intéresse pas. Non, voilà, ça, moi j'aime faire les choses, donc si c'est. Si ça vibre, ça va, si ça vibre pas. Voilà, et en fait la base, c'est voilà, c'est j'ai pris le truc et je me suis dit, bon voilà, je connais pas les gammes, les noms, les pentatoniques et tout, mais je sais où appuyer pour que mon instrument sonne comme ça, quoi. Et après. C'est ce garage, c'est ça aussi. Oui, voilà, bah c'est le côté. En fait, je trouve que dans un groupe, l'amateurisme est important parce que j'ai vu des groupes qui sont très très bons, très professionnels. Mais voilà, ils sont pas. Exactement. Bah, c'est le côté humain, quoi. Thank you. Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Voilà, c'est, tu fais ça, tu vois que c'est des mecs en face de toi qui jouent et que c'est pas juste des académiciens ou des machines qui font des machines électroniques qui font qui playent un loop en boucle quoi. Et c'est Est-ce que des groupes comme Nirvana ou qui t'ont influencé Alors Nirvana, ils m'ont un peu influencé, oui, parce que c'est t'as à dire que moi en fait, quand je me suis vraiment rentré, j'ai enfin commencé à rentrer dans le rock'n'roll. Nirvana était un des premiers groupes parce que c'était le seul groupe que les gamins du collège connaissaient. Et Nevermind, ouais, Nirvana, j'ai toujours préféré In Utero, je sais pas pourquoi, je trouvais l'écriture plus aboutie. C'était l'album le plus reconnu, Nevermind. Ouais, oui, mais Nevermind était super. Ouais. Mais après, c'est vrai que j'ai, comme je le dis, j'ai pas trop exploré la partie 90, j'ai plus perdu mon temps sur les années punk et les années 50-60. Et c'est-à-dire Franco et Anglo, ou juste... Un peu les deux, c'est vrai que le Franco, je découvre un peu plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais, on débute sur les compiles de Nuggets, Bath from the Grave. Moi, en fait, en parallèle, quand j'avais 15 ans, c'était mes deux gros trucs, c'était Nirvana et Jerry Lee Lewis et Little Richard. Ce qui crée un contraste amusant, ouais. Parce que les gars, j'écoutais du Nirvana à fond, puis après, je me défoulais encore plus sur Jerry Lee Lewis, les gars comprenaient pas, quoi. Et c'était assez drôle, quoi. Mais vraiment, dans l'amour de la musique, c'est quand j'ai entendu Little Richard à 5 ans la première fois, quoi. C'est ça que j'aime comme musique, quoi. Ça a été une flamme, quoi. Ouais, 5 ans, dans un dessin animé à la télé, j'ai entendu Little Richard, Tutti Frutti, comme tout le monde, et j'ai fait « Ah la vache, putain !» T'as 5 ans, t'entends ça, et tu fais « La vache, quoi, c'est ça que je veux faire !» T'entends les Ramones à 15, et ça y est, t'es... Lorsque tu bosses, essaies-tu de trouver des riffs, des retournelles, ou si tu laisses les autres En fait, je bosse, je cherche des riffs des fois, mais c'est plus pour m'amuser que proposer des morceaux. Je pense que Mais c'est sûr, à chaque fois que tu joues Excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que tu fais un enregistrement à chaque fois que tu joues? Je fais confiance au peu de mémoire que j'ai, mais c'est vrai que... En fait, je joue plus en répète avec le groupe, donc là, on enregistre le travail commun. Des fois, c'est moi à la maison, c'est plus mon petit entraînement manuel et histoire de. Parce que des fois, je m'amuse à trouver des riffs, des gammes, des trucs comme ça, mais c'est jamais des. Est-ce que tu pratiques souvent en solitaire ou si tu préfères jouer avec le groupe? Je pratique en solitaire pour pas rouiller, quoi. Trouver un peu l'énergie, les doigts, la gymnastique du truc. Mais c'est vrai qu'après, ce que j'aime bien dans la pratique en groupe, c'est qu'on. Il y a plusieurs potentiels qui se rencontrent, donc on a plus tendance à créer facilement quelque chose. Mais c'est pas compliqué quand t'es dans plusieurs groupes de fusionner un horaire avec ça, parce que si t'es dans 5-6 groupes, comment les spectacles, normalement, c'est toute la fin de semaine. Hein? C'est ouais, c'est... non, bah j'ai. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai eu une période où je jouais dans trois groupes en même temps. Ouais, c'est ça. Et. Mais j'ai jamais eu de problème à concilier. Ça va, on a. Les gens en général avec qui tu joues aussi ont plusieurs groupes. Okay. Donc ils savent ce que c'est que s'organiser, on essaie vraiment de bon avoir les plannings en fonction. Mais c'est vrai que bon moins t'as de groupes, plus t'avances vite parce que t'as plus de temps à consacrer à ce groupe-là. Mais c'est pas. Mais l'intérêt d'avoir plusieurs groupes, c'est de vivre plusieurs expériences musicales. Oui, absolument. C'est ouais. De ne pas te scléroser dans un style. Non, absolument. Puis tu te. Le public n'est pas le même souvent là, quand t'es dans ouais. Le côté peut-être un peu plus grunge, mais c'est pas les mêmes que. Bah, j'ai eu un groupe de garage punk, j'ai eu un groupe de garage psyché et un groupe de surf. Il y a souvent beaucoup de têtes qu'on retrouve. Mais les réactions et les critères de jugement, si on veut dire, ne sont pas exactement les mêmes. L'énergie n'est pas la même. Hein. Voilà, c'est... Et les gens en face ne répondent pas de la même manière à la même musique, donc c'est... mais je suis plus satisfait généralement de la réponse que j'ai eue face à un groupe de surf où c'est plus chaotique, quoi. Est-ce que tu consacres plus à la musique anglo-saxonne ou francophone? Est-ce que tu veux... Plus dans tes groupes, est-ce que c'est important d'écrire en français, de chanter en français ou pas du tout? Ah bah je vais encore dire, ça dépend du groupe, c'est-à-dire que les Guillotines étaient un groupe qui faisait de la parole, du texte... Mais c'est un groupe qui va revenir, comme tu m'as dit. Oui, bien sûr, c'est juste qu'on travaille sur l'album, en fait. Ouais. Et l'écriture est très très, vraiment c'était 100% en français. Avec les Wave Chargers, c'est principalement de l'instrumental. Et quelques morceaux de temps en temps, histoire d'aérer, parce que une heure d'instrumental au bout d'un moment. Ouais. Mais c'est vrai que les morceaux chantés qu'on a sont plus des reprises, histoire de. Les gens s'attendent aussi à avoir quelques reprises. Hein. Oui, bah, c'est ambiance quoi. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, avec les Wave Chargers, on a une espèce de mix. En fait, il y avait ce morceau Out of Limits des Markets, qui est un instrumental, qui en fait, quand on regarde les Baffin Grove, après a été copié-collé et a donné Wildman des Tamrons quoi. Bon, c'est pas pris la tête, on joue au Tough Limit et on enchaîne le même morceau de Wild Man et puis là les gens sont complètement... Les gens sont surpris de voir qu'il y a un lien qui se fait tout seul. Je sais pas s'ils sont surpris, mais en tout cas ils ont l'air d'être mais contents de l'entendre. Mis, non mais c'est vous qui avez mis le lien aussi en disant écoutez, nous on a joué ça et on s'est rendu compte que ça donnait ça. Bah, je pense que les gens s'en doutent un peu, mais ils sont surtout contents de voir qu'après le lien on le fait quoi, direct et que... Ils ont compris. C'est en mode vous avez aimé l'instru, bah maintenant prenez la chanson et... Retournez la salle, quoi. Est-ce que vous êtes du même âge ou il y a des... Non, bah pas... Les Wave Chargers, ça... Claude est le plus jeune, il a 25. Toi, t'as quoi, 27? 27, Anne a 30 et Francis a 35. Oh, je devrais pas le dire, je vais me faire engueuler. Mais non, mais... Bon, après, je pense que mentalement, dans nos têtes, on a tous 15 ans, donc... Est-ce que c'est libérateur Okay, est-ce que c'est libérateur de faire du punk quand tu reviens après ça à la maison, on dirait que ça fait du bien. Ah bah généralement quand tu fais ça, tu veux même pas rentrer à la maison après parce non, que c'est boosté. C'est disons quand t'es sur scène, t'es sur un autre monde quoi. C'est-à-dire tout ce qui concerne ta vie, t'es là pour te marrer, t'es là pour que les gens fassent se marrer. Et tu t'es explosé la baraque. Et moi je dis toujours un concert où il t'arrive rien, c'est pas un bon concert. Oh, ouais, c'est donc ça. Moi quitte à. Bon... Encore aujourd'hui, il guit pas par 74, hein, s'il fait pas sauter là-bas. Ah ouais, bon. Même ça, maintenant c'est... il est 75. Ah bah ça après bon. Bah je pense que pour son âge il tient quand même la patate, ça va mais... J'ai jamais vu un grand-père d'à cet âge-là faire encore plus. Bah Mick Jagger mais sinon et encore. Après bon il se repose en jet privé donc tout va bien. J'ai jamais essayé d'enlever ses pantalons encore à cet âge-là. Non ouais j'ai jamais vu le Zobat Jagger. Remarque Dieu m'en préserve mais... Ouais, c'est sûr, le traumatisme va venir peut-être assez vite. Mais non c'est vraiment c'est... c'est une libération quoi quand t'es... Mais est-ce que tu vois des vieux comme Iggy Pop monter sur scène encore? Est-ce que ça te dit ben écoute le rock'n'roll c'est encore ça, c'est pas uniquement les jeunes. Bah disons qu'après ça c'est un débat à double tranchant, c'est-à-dire que moi quand j'aurai 70 balais, peut-être que je voudrais encore faire de la musique et ça me ferait chier qu'un jeune me dise t'es trop vieux. Et d'une certaine manière, vu que c'est souvent des gens plus âgés qui m'ont inculqué cette musique, j'ai du respect pour les mecs plus âgés, ce qu'ils ont fait avant. Après, oublions pas qu'à la base le rock'n'roll c'était un trip de petits Jeannot qui voulaient envoyer chez leurs parents et foutre le bordel. Mais après, moi alors, je pense. On est tout le temps jeune quand on poursuit dans le punk ou dans le rock. Alors, bah, il dit pas encore 20 ans. Comme disait Lemmy, si tu penses que t'es trop vieux pour faire du rock'n'roll, c'est que tu l'es, quoi. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Lemmy, par exemple, c'est un mec, jusqu'à la fin, il a tenu le bon bout et il a jamais renoncé à quoi que ce soit, quoi. Alors, et... c'est des gens remarquables, c'est des gens sur qui on peut. Ah ouais, oui, c'est. Ça trouve le cul même des jeunes quand on. Ouais. Ah bah c'est moi, Motorhead, j'ai eu l'occasion de les voir qu'une fois et c'est vrai que je me suis dit putain quand même si j'étais encore... C'était à la fin de la... Ah c'était... Non, c'était un peu plus longtemps, ça devait être en 2009-2010, okay. Mais c'était... bon, j'ai pas eu la chance d'assister à la période avec Filthy Animal et Fast Eddie Clark, c'est sûr. Mais non, bon après c'était quand même un groupe assez honorable, Motorhead. On a failli faire une reprise mais en surf ça marchait pas. Non, parce que les autres groupes n'étaient pas avec ces reprises. Okay. Mais du coup, on s'était dit, tiens, on va faire un hommage à Lemmy. On hésitait entre reprendre Bomber ou Motorhead. Mais bon, on a fait, bon, de toute façon, on n'a plus le temps. C'est incroyable, ce titre-là. En plus, ça annonce le groupe, c'est le groupe. Ça annonçait le groupe avant le groupe, vu que c'était Queen. Il avait fait ça dans Queen. Mais du coup, non, c'est vraiment, moi, après, c'était vraiment cette énergie... Moi j'ai commencé la basse vraiment en me basant sur Didi Ramone et des mecs comme ça et c'est vrai que les Ramones pour moi c'était la thèse parfaite de ce qu'était un groupe de rock'n'roll quoi. Les mecs 1, 2, 3, 4, 3 accords c'est pas grave, tu les fais comme il faut et t'es là, ils donnent tout en une heure de concert, t'as 30 morceaux et t'es là, tu t'es pris une claque et c'est super. Les Cramps pareil, enfin toute cette vague là. Est-ce que c'est un style qui use beaucoup la santé? Ah bah ça dépend jusqu'à quel style tu le pratiques et selon quelle mœurs, mais après bon c'est vrai qu'un petit week-end à la maison de temps en temps ça fait quand même plaisir, okay. Après je pense que... Tu t'ennuierais beaucoup là, de te retrouver constamment avec la famille, sans partir avec les amis, puis te défoncer dans le rock'n'roll. Ça dépend quelle définition on donne au terme défoncer, mais... Tout ce qu'on peut s'imaginer d'un... Non, non, ça va, je suis quand même raisonnable sur pas mal de plans, mais... Ok. Mais non, le... Est-ce que c'est comme ça pour tous les membres du groupe, ou... Oh, disons qu'on est... on est loin d'être des mecs comme les Heartbreakers étaient, quoi. Les Ramones étaient, il y avait Didi Ramone qui était vraiment qui se la collait beaucoup. Ouais. Johnny Ramone, je crois, était le genre après un concert à rentrer à sa chambre d'hôtel pour mater le match de baseball. Donc c'était ça. Mais après c'est un truc dont on a, après c'est vrai que le fait sex, d'être drug and rock and roll, est-ce que ça a sa place un peu? Ça dépend pour qui, après... Au début peut-être, mais après la famille commence à se former, c'est... Ah, c'est pas... Le rock'n'roll, c'est génial. J'ai toujours dit, le rock'n'roll, c'est génial. Le sexe, c'est génial. La drogue, attention, quoi. Ouais, j'ai jamais... Je dis pas qu'il faut pas faire d'expérience dans la vie, mais moi, j'ai jamais été... Cette partie-là m'a jamais trop attiré. Okay. Donc, je... Alors, la destruction à travers la musique, c'est pas ton cas. Non, parce que je pense que... Quand on... se met à faire de la musique, c'est justement pour... Non, au-delà du sérieux, c'est que justement, on cherche à construire quelque chose, à commencer par soi-même. Et je pense que c'est pas pour trop... Je suis pas contre faire la bringue et se réveiller à l'envers le lendemain de temps en temps. Au contraire, la preuve, tu m'aurais vu hier matin, c'était pas beau à voir. Hein. Mais je pense que à partir du moment où tu vas dans un domaine artistique, c'est que tu as besoin d'exprimer quelque chose et que tu as besoin de construire quelque chose en commençant par toi-même. Et du coup, je pense que la destruction via la musique, c'est quelque chose qui est pas nécessairement obligatoire. Okay, qui est peut-être même pas... je pense parce qu'après, il y a des gens qui veulent rentrer dans le rock'n'roll parce que c'est le cliché de la défonce, mais après, c'est... Ce que je préconise, c'est le fun, moi. Donc après, fais ce que tu veux tant que ça t'amuse, mais après, et pourris pas les autres, mais c'est juste que je pense que moi, après, mon fun, il est là, je monte sur scène et je m'éclate et on déconne, et rien que ça me suffit. Et quoi. C'est surtout faire plaisir au public. Ouais, exactement. Ah non, mais assurément, quoi. Bah, de toute façon, si le public s'amuse pas, toi, tu t'amuses plus non plus, quoi. Donc c'est... après, voilà, hein, c'est... Mais pour revenir, par exemple, aux groupes qui sont plus âgés et qui défoncent, moi, j'avais vu les Sonics deux fois, et c'est vrai que je me dis, putain, la vache, quoi, si à 70 balais j'étais comme ça... C'est quelque chose, hein. Ah ouais, c'était vraiment... Puis surtout, c'est des mecs, voilà, quoi. Les Sonics, c'est le premier... En fait, moi, j'étais à une période, quand j'étais ado, je pensais qu'il y avait le punk, qu'il y avait le rock'n'roll 50s, et qu'entre les deux, il y avait que des trucs de hippies super chiants, quoi. Et un jour, j'ai découvert les Sonics, et j'ai découvert tout ce qu'il y avait derrière, et j'ai fait, putain, la vache, en fait, les années 60, c'est vraiment la pierre angulaire de la musique, quoi. Même si le son est... Mais c'est ça qui fait que c'est intéressant, quoi. C'est ça qui fait que c'est intéressant, quoi. Parce que le truc trop propre, trop produit, où les mecs ils passent 4 heures à te régler ton micro sur la cymbale pour que l'onde soit parfaite. C'est là, tu fais arrête, va te faire fou, quoi. Et c'est de là que le garage est établi aussi. Mais oui. Il faut que ce soit ça. Bah en même temps, les grands hits de Sun Records, ils se sont fait comme ça. Hein. Ils avaient une grande pièce, la reverb c'était la pièce qu'ils avaient, et puis les mecs ils ont tout balancé, quoi, parce chez que nous, les mecs avaient. Ça garoche. Ouais, voilà. Ouais. C'est pas mal comme terme, ça. Ça donne bien. J'ai 10 questions qu'on va voir où ça va nous amener, peut-être à travers les filaments du punk ou du rock. Ou c'est possible que tu étais un liquide. Ah. Si j'étais un liquide. Ah la vache. Ah celle-là, elle est dure. Oh, je dirais. Je dirais un jus de tomate. Okay. Un jus de tomate. Avec un peu de tabasco, ça passe toujours. D'accord. Non, le tabasco, c'est mieux, voilà. Un bon tabasco, il y a un mieux au réveil. Oh, ok. Voilà. Okay. Les yeux s'enlignent dans la bonne direction. Voilà. Si tu étais une ville. Ah. J'ai pas voyagé assez pour vraiment confirmer, mais je crois un des les endroits où je me suis le plus senti bien. C'était quand je suis allé, il y a trois endroits où je me suis vraiment senti bien, c'est quand j'ai visité la partie en Bretagne, la France. Londres, c'était un endroit fantastique. Et les fois où j'ai traversé l'Atlantique, c'était San Francisco et ça se joue entre Toronto et Montréal aussi. Parce que j'ai des très très bons souvenirs là-bas et c'était vraiment chouette. Tu as joué à Montréal ? Jamais joué, juste visité, mais par contre Montréal est venu jouer à nous parce qu'avec les Guillotines on avait beaucoup tourné avec un groupe de Montréal. Qui s'appelle Les Marinellis. Ah oui. Des mecs adorables, c'est des fous rires à non, des fous rires à non plus finir, vraiment des mecs le cœur sur la main, vraiment. Oui. Des mecs comme ça, je tourne avec eux quand tout le temps, quoi. Vraiment, y a pas à dire. Si tu fais ça une larme. Je dirais que la seule, celle que je pratique le mieux, donc je dirais l'anglophone. L'anglophone? Un anglais approximatif, quoi. C'est pas le français. Bah, j'ai toujours un truc avec les étrangers qui me disent « Ah, le français, c'est dur à apprendre. » Je fais « Ouais, la preuve, même les français le parlent rarement très, ouais, très bien. » Ouais. Sans l'accent qui accroche. Si tu étais une époque... Oh la vache. Aïe. Yeah. Je remets toute ma vie en question à travers ces questions-là. Ah ouais, c'est... Sors de là, 4 tapes, hein. Non, ouais, mais je dirais... J'hésite entre vivre dans le passé, vivre avec son temps. Je pense qu'en fait, c'est... faut toujours tirer le meilleur de toutes les ères à travers lesquelles on a passé. Donc je pourrais m'arrêter au sixties, mais ça fait cliché, quoi, de dire ça. Donc je... Je pense, écoute, je suis en 2016, je vis en 2016, tout ce que le temps avant a fait de bien, bah, je le garde et j'utilise en 2016, quoi. C'est, si tu étais un aliment. Ah là là là là. C'est con, mais je pense que je vais dire une ratatouille. Un mélange de trucs improbables, mais qui au final a toujours bon goût. Ouais, c'est vrai. Et en plus, c'est très festif, hein. Tu fais ça quand on fait ça plusieurs, pas quand on est ça. Ouais. Si tu étais une saison. J'irais le printemps. Enfin, pour ce qu'il en reste aujourd'hui, mais le printemps, ouais, c'est. Ouais. C'est la. Ouais, c'est le moment où. Tu sors de ta cave et ça y est, là, tu commences à revivre. Et, ouais, c'est ça. Les jeux commencent à sortir. Voilà, et c'est là que les concerts redémarrent. Ouais, c'est ça. Yeah. Et c'est le moment où si on pouvait être en permanence dans l'état, en mode où d'un coup, après un hiver pourri, bah, tu te sens revivre. Ouais. C'est mais au Québec, c'est encore plus vrai. Ouais. Un membre corporel. Un membre corporel. Je dirais. Ah. Les cordes vocales. Je m'en sors toujours pas trop mal pour. Est-ce que tu peux chanter? Ça, disons que je sais brailler juste. Et toi, tu fais les cœurs Bah non, dans les Wave Chargers, on se partage les morceaux chantés avec Francis et j'en tiens deux à peu près. Ça te plaît ? Ouais, bah c'est faire le showman, quoi. Ah ouais, c'est être dans le micro, brailler, et tu regardes vraiment les gens dans les yeux, puis là, ils... Avez-vous un micro des années 50 ou c'est... Ah ouais, en gros, ouais, on en a un. C'est un Shure. Ah, je sais plus du tout, c'est celui de Francis. Donc moi j'en ai un pour faire mon émission. D'accord. Il y a la Frank Sinatra. Ah, génial. Ah, c'est bien. Si toi aussi c'est comme ça, c'est vraiment. Ouais, c'est un gros. Ah, ouais, c'est celui de Francis, mais oui, c'est le gros avec truc. Le bouton on off. Exactement. Ah, ben c'est ça, on a le exactement, bon. Ouais. Si tu étais. Les gars, pas de technique. Si tu étais un moment de la journée. Ah, définitivement pas le matin, ça c'est sûr. Non, mais c'est délicieux, c'est le matin. Hein. Mais je serais le début de soirée, quand tu sens la fraîcheur arriver et que c'est le moment de se dire allez, c'est le moment de sortir au bar et on va se marrer. C'est ça, mais ça sent l'apéro. Là. Ouais, exactement. Si tu étais un autre individu. Ah là là, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé, on va voir. Et puis je me suis aperçu que tout le monde était déjà pris, donc je me suis dit tiens, c'est cliché parce que ça, c'est je crois que c'était Bob Dylan qui avait dit ça, mais si j'étais là, c'est plus au bon vouloir que. Je pense qu'on a toujours l'envie de convoiter, de dire ah si j'étais ce mec-là, ça serait cool, j'aurais la classe, je serais. Mais au final. Deviens qui tu es, quoi, parce que c'est vrai que je trouve qu'on vit dans une société qui nous impose beaucoup trop de modèles et qui nous demande trop d'être ce qu'on n'est pas, quoi, d'être ce qu'on n'est pas, et je pense qu'il faut célébrer l'individualité, quoi, ouais. Être la singularité de chacun, exactement. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Est-ce que tu ferais le même chemin? À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? T'es jeune encore, t'as pas... Je me dis le même chemin. Je pense que c'est une question que je pourrais seulement poser quand je serai au bout, quoi. C'est ça. C'est à ce moment-là que je me dirais. Moi je dis toujours un truc dans la vie, c'est faut pas. C'est le genre de discussion qu'on a sur les choix de vie futurs à faire, et moi je pense que le seul choix de vie futur que j'ai, c'est si un jour, comme tout le monde, je me retrouve sur mon lit de mort et je veux juste fermer les yeux en me disant « putain, ça valait le coup okay. ». Ah, putain, c'était chouette. Et j'aurais pu commencer avec cette question-là. Est-ce que c'est lors d'une beuverie que tu t'es octroyé le nom de Sammy the Kay? Ah non, c'était dans un grand instant de sobriété, c'est okay. Parce que... C'est quoi la clé? Quelle clé? Ah non, c'est pas the key, c'est the K. Ok. Parce que... ok. Voilà. Non, ça, c'est parce que j'ai un nom de famille long et interminable qui commence par un K. Ok. Donc au début, j'écrivais Samika. Ok, parce que c'est un nom. Non, tunisien. Ok. Tunisien. Ah, okay. Et du coup, en fait, au début, j'écrivais Samika, et puis je me suis rappelé de... Samika, comme la lettre K. Ouais, voilà, okay. Pour abréger, puis je me rappelais que K, K, et puis il y avait ce DJ... Mais est-ce que ton vrai prénom, c'est Samy? Oui, okay. Ça, c'est pas un diminutif. Okay. Ah. Et il y avait un DJ, justement, dans les années 50, qui passait du rock'n'roll et tout ça, et qui s'appelait Me Révoquait, justement. Et du coup, je me suis dit, tiens, petite transition facile, Me Révoquait, Samy Vequet, on est dans le rock'n'roll tous les deux, et tous les deux, on est sur du K, donc voilà. Comment tu te sens lorsque les gens te nomment avec le nom d'artiste que tu as choisi? Je me dis, la vache, ils me connaissent. Je me dis, ah la vache. Non, mais en plus, c'est souvent parce que c'est vrai que même sur scène avec les Wave Chargers, maintenant on me présente toujours comme ça. Mais au moins l'avantage, c'est que je regrette pas, comme disait Captain Sensible des Damned, qui disait ah, si j'avais su que ça me collerait autant de temps, j'aurais choisi autre chose. Ouais, mais, c'est ça, ouais. Mais non, ce que je me dis, c'est que les gens, quand ils me disent ça, je me dis la vache, d'où ils me connaissent, quoi. Ah, si, on a vu tes dessins, c'est génial, on est fan de ce que tu fais. Je fais ah bon, bah. et en fait, c'est le genre de cas où en fait, je sais jamais réagir aux compliments, parce que c'est vrai que même quand on descend de scène avec les groupes, les gens qui viennent, ah, c'était génial et tout, je fais pas. Écoute, merci, tu t'es amusé, c'était le but. C'est de rester humble. Des fois, je fais un peu le gars qui se la pète, mais c'est plus pour rigoler. Oh, ouais. Parce que j'ai jamais publié, les mecs sont là en mode. Bah évidemment que t'as kiffé, c'est nous, tu vois. Ouais, genre, ouais, voilà, des fois, c'est les phrases que je sors, mais avec toute l'ironie du monde, parce qu'il y a des gens qui le sortent sérieusement et je trouve ça abject, quoi. Les gens qui ont l'ego aussi. Quand on voit les embrouilles dans l'histoire du rock'n'roll avec Chuck Berry, tous les mecs étaient là en mode je suis la grande étoile du... Bon, en même temps, ils pouvaient se permettre, évidemment, parce que c'est vrai qu'ils avaient un level de fou. Mais moi je crois, par exemple, une des pires phrases dans la musique que j'ai entendue, c'était Pink Floyd, un groupe que je porte... À part premier album, je porte pas beaucoup de mon cœur, je vais me faire taper, ouais, et qui avait dit une fois à l'époque où la période hippie, cheveux longs, Pini Woodstock, et faut dire ce qui est musicalement un peu ennuyeuse régnait, c'était ce truc où un des mecs de Pink Floyd avait dit, nous on aime que le public vienne, s'assoie, la ferme et nous écoute. Et je dis, putain, là c'est d'une, même au-delà de la prétention, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse, enfin... Moi, je suis content que le punk ait balayé tout ça à l'époque, parce que c'est... Le... Moi, je fais un peu comme James Chance, quoi, ou Lux Interior. Quand tu vois un mec qui est là et qui se fait chier dans le truc, tu vas vers lui, tu le prends par le col et tu fais... Soit tu bouges ton cul, soit tu dégages. Mais c'est vraiment, voilà, quoi. C'est... Si t'en vas à l'usine, va travailler à l'usine, tu vois. Ouais, non, bah, je souhaite ça à personne. Parce que c'est... Enfin, à moins que ça soit vraiment le truc de quelqu'un, mais... Mais, enfin, voilà. Alors, Samy, t'as-tu des projets à venir, des albums, des dessins, des... Bah, alors, en dessin, il y a quelques projets en ce moment. Je sais que je travaille quelques projets pour, avec les Love Me Notes. Il y a des groupes avec qui j'aimerais bien travailler, mais donc, c'est pas encore en projet. Tu frappes aux portes ? Ça arrive des fois, ah bah faut se faire connaître, hein. Donc c'est un petit gribouille par-ci par-là pour dire hey. J'existe celui-là. C'est exactement le principe après, hein. Puis bah surtout on est au milieu de plein d'autres artistes, il y a plein d'autres artistes dans ce milieu qui sont vraiment excellents, que j'adore et qui sont très très bons, et il y a des groupes après pour qui j'aimerais travailler. Il y a un groupe par exemple moi que j'ai en tête avec qui j'adorerais travailler, c'est un groupe suisse de garage qui s'appelle The Jackets. Qui est, tu pourras aller voir ça, voir, c'est un trio, c'est peut-être un des comment meilleurs. T'as écrit ça? The Jackets, comme, okay. comme les vestes. Yeah, okay. Et voilà, et c'est peut-être le meilleur concert garage que j'ai vu cette année, quoi. Et non, y a, je sais que j'avais des projets de travailler avec les Love Me Notes, un nouveau. En ce moment, c'est comme j'ai repris les études, je mets un petit peu ça de côté. Je travaillais est-ce beaucoup. Est-ce que c'est des études à temps plein, 20 heures semaine ou... Ouais, ouais, okay. En plus, ouais. Mais du coup, je travaille beaucoup avec un label en Slovénie, un label qui faisait beaucoup dans le rockabilly. Et c'est amusant parce qu'en général, quand on bosse ensemble, bah, il me donne vraiment une grosse liberté. Il vient me voir, il me fait j'aime ton style, fais ce que tu veux, je sais que ce sera est-ce bien, quoi. Il y a pas de cachet aussi ? Il n'y a pas de cachet. Il y en a, mais ouais. c'est non, c'est pas ça, c'est que c'est un milieu qui est assez underground, donc qui a toujours des budgets réduits. Ouais. Après, t'as le choix, hein. Soit tu travailles pour des gros cachets et tu travailles sur des trucs qui te font chier, ouais. Mais qui payent bien la fin, soit tu travailles sur des trucs qui te plaisent et qui payent pas beaucoup, bon, bah en contrepartie, voilà. Ça viendra un jour, hein. Ouais, voilà, un jour je serai une star, j'aurai le jacuzzi avec des putes partout, ouais. On fera des tournées mondiales, j'aurai un jet privé, et puis voilà. Exactement. Mais en attendant, avant que ce malheur n'arrive, c'est l'école. Voilà. Non, mais c'est surtout avant que ce malheur n'arrive, j'aurai le temps de m'amuser, quoi. Et voilà, c'est ça. Mais non, après projet, bah les Wave Chargers viennent de sortir le premier 45, qui a l'air de partir plutôt bien, donc on est content. Et on travaille déjà sur le deuxième parce que faut pas laisser les gens s'endormir, quoi. Faut pas laisser les gens s'endormir. C'est ça. Donc voilà. Hey, Samy, merci d'être passé. Bah, de rien, merci de m'avoir convoqué. Hein, je suis sûr. Puis, de rock'n'roll. Bah, ouais. Puis on se voit à Montréal puis à Québec, peut-être en tournée avec tes groupes. Ah, bah, absolument, ouais. Bah, on vise. Avez-vous des tournois, pas encore? Non, on fait tout en système c'est D. On se démerde. Internet. Ouais, les assos, les groupes, et apparemment, ça a l'air de bien marcher, vu qu'on s'est retrouvé même une fois à jouer. Je crois le truc le plus impressionnant qu'on ait fait, c'était. Le concert d'anniversaire des Hells Angels. Oh. Pour les 35 ans. Comment ils se sont associés à vous? Je sais plus trop. Je crois que c'est un des types qui gérait la prog en fait de l'anniversaire qui passait par là par hasard et qui nous a vu et qui a fait je veux que vous veniez jouer, quoi. Et comment vous avez pu ça devait être assez on était impressionnés, on s'est dit la vache, hey. Quoi, on va passer, hey. On a tous lu le bouquin de Sonny Barger, on était là et, bon les gars étaient puis les gars ils étaient pas là pour blaguer, hein, ça se voyait. Bon, ils étaient là pour s'amuser, c'était l'anniversaire du club de Paris et tout, mais on avait entre 1000 et 2000 Hells Angels devant nous qui était en train de nous... Puis ça va, je pense qu'on les... Je pense qu'on l'aura plus. Est-ce qu'il y a eu des suites après ça? Est-ce que on vous a demandé de faire autre chose ou... Bah, on a refait notre convention de biker il y a peu de temps. C'était amusant, mais c'était super, hein, d'ailleurs. Hein. C'était vraiment... Ouais. Bah, ça restera gravé en souvenir, quoi, mais... Après, je suis pas... Je me fixe pas au nombre de personnes devant lesquelles on joue. Moi, je dis toujours, je préfère jouer devant 30 personnes qui sont à fond que devant 1000 personnes qui s'emmerdent. Ah ouais. Voilà. Ah, mais Samy, on joue à Montréal. Bah ouais, clairement. Clairement, j'espère pouvoir y revenir un jour. Puis on prend des photos pour lorsque l'émission sera diffusée. Ah, totalement, ouais. Parfait, merci. Pas de soucis, ouais. On va en prendre quelques-unes parce que je choisis à travers. Des fois, c'est pas. Ah, ok, c'est la. Hein? Es-tu prête? Est-ce que. Es-tu prête? Est-ce que la. Ah, d'accord. Mais veux-tu regarder avant ces choses? Ah, pardon, c'est de la main. Attends. Non, mais est-ce que tu veux regarder de quoi ça a l'air? Ah, dans le miroir, d'accord. Okay. Non, non, mais moi, ça me dérange pas, là. On y va? Ouais. Ok, c'est bon? Ah, genre si je suis belle gosse et tout. Ben, c'est pour la photo. Ok, on y va. Bon, pire, mais voilà. Là, je me rends compte à chaque fois que je fais. Dernière. Ok, okay. Okay. Tu fais des bouilles, toi, tu fais des. Ok, là, tout ça. Parfait. Voilà, merci. Non, je pense qu'on est complet là. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.